qu'un accent. Je me réveille d'une bonne soirée. Transaction dans un golf, c'est encore un jour où je suis vivant. Dieu merci. Oui. Il voudrait me faire lasser. Bah oui. J'ai la trentaine, oui, rebeu, j'apprends encore à vivre. Avec un chassé, t'as traversé la ville. Peut-être je pourrais devenir le maire de ma ville. Ranger un million paquets de glace de 10 000. Regarde-moi bolo, je suis le fantôme de tes rues. Regarde-moi bolo, j'ai un redoutable appétit. Je mets tes enculés très fort comme rapide dans une soirée. Mais la cour qu'on a coupée pour faire le trip de cette allée. Oui, des trafics illégaux, des condés sur des motos. Tu nous payes sur la négo, on te filme ton numéro. J'suis comme tous les chiens de tête, c'est sur la tête de ma remée. J'ai du vie, j'les vois tourner autour de ma bite, de ma monnaie. Frère tranquillement, il dit qu'il t'attend, tu sais qu'il ment. Yo, y'a pas d'innocent, le mot ou l'argent, c'est l'argent du son. On est pas à ta, trop de jaloux sur le dos, car j'ai ça, ça, ça, j'ai des sens sur la peau. On est là, là, là, les gens me disent qu'on est beau, ça fait là, là, là, et t'entends le bruit du pot. J'ai des jaloux sur le dos, j'ai des salopes sur mon dos. Des mythos sur le dos, une rafale et bruit du pot. Car j'ai des millions d'euros, j'ai des jaloux sur le dos. J'ai des salopes sur mon dos, j'ai des mythos sur mon dos. Ta blonde ne répond plus depuis 6 days. Plus de sous, tu te demandes c'est à quitter. 20 lourds c'est le patrimoine de ma cité. Dans ce rap la putain de sa mère les dés sont pipés. Ça il y on a la côte, les vrais qui nous supportent. Chili votre le corps. Dans le port, des maxi casqués noirs, soleil pour moi, des bois, des vives, c'est mes que croire, je dis que la plus belle ce soir, ouais, yo, dans ce monde de pute, mets ton cœur dans un frigo, t'auras beau me sucer, tu n'auras pas mon bigo, mon nom dans le talkie, pourquoi pas un junkie, frère, tranquillement, il dit qu'il t'attend, tu sais qu'il ment, yo. Y'a pas d'innocent, le mot ou l'argent, c'est l'argent du sang. On est pas à plat, trop de jaloux sur le dos. Car j'ai ça, ça, ça, j'ai des sens sur la peau. On est là, là, là, les feux me disent qu'on est beau. Ça fait là, là, là, et t'entends le bruit du pot. J'ai des jaloux sur le dos, j'ai des salopes sur mon dos. J'ai des mythos sur le dos, une rafale et bruit du pot. Car j'ai des millions d'euros, j'ai des jaloux sur le dos. J'ai des salopes sur mon dos.